Maxim yo, nous tendons des paroles là. À nous faire un petit effort pour nous capables d'appliquer. Jean bon Dieu dit là, les vraiment va servir. Vous supposez gain humilité face frère à sœur qui n'a même groupe avec vous, qui n'a même l'église avec vous, qui n'a même groupement avec vous. Les nous tendons des saldi. Dans Matthieu 15, verset 16 à 20, il dit tout bagay qui entrait dans la bouche du monde, ça passait dans le ventre. Après ça, il sortit de yo. Mais bagay qui sortit dans la bouche du monde, c'est dans le cœur qu'il sortit. Il dit c'est tout bagay ça yo qui met en condition pour pas servir bien. Parce que c'est dans le cœur tout mauvais idée sortit. Il détruit le monde, il défait le monde mal. Fait adulte à toute l'autre bagaille qui pas d'accord avec volonté. Tant que l'idée vole, l'idée fait mentir sur le monde. Si vraiment on a un bon Dieu avec vous, vous supposez éviter pour entrer dans la couche à l'issage. Parce que bon Dieu pas bail mentir. Bon Dieu a son bon Dieu de compassion. Il remet toute petite. Et pas jamais voulez vous rabaisser yon frère, yon sœur. Surtout nous-mêmes haïtiens, nous toujours gagnons tendance. Gardez frère n'accès nous soit apparence. Toujours gagnons tendance pour nous diminuer. Nous traiter yon l'autre qui pas fait la ville. C'est habitant. Nous gardons l'autre sous connaissance. Nous gardons l'autre sous figue. Et puis, nous balions chapeau, nous jugeons. C'est seul bon Dieu qui vient de voir juger petite lui. Nous-mêmes, leaders, cap mène un groupe, nous supposons un modèle, un exemple, pour que tout le monde voit, qu'il y vraiment un bon Dieu avec vous. Parce que l'air dans mon diable, où sont l'autre monde? Là où bon Dieu avec vous, ou mettez au pibar. Et pour voir le ouais, c'est lui-même qui pourra le lever. Lui mettez au pire. C'est ça que fait le dino. Si vous baissez tête, la pleuvez. Mais si vous levez tête, la pouvez baisser. Alors c'est message ça. Parole céleste, t'es écouté pour nous.